l'été. Super tard, il regardait passer les ombres près du comptoir. Il m'a dit, hello, what did I say? Je lui ai dit, je ne comprends pas. Il m'a dit, what did I say? Je lui ai dit, pas mieux comme ça. Il m'a dit, hey man, do you want to sing this song tonight? Hey man, do you want to sing this song tonight? Alors je me suis assis tout près de lui et j'ai commandé un whisky. Il m'a dit, hello man, hello. Je dis salut, que tu es pas beau. Il était noir, couleur de nègre, avec dans la prunelle des yeux une vieille larme sur un champ bleu, sur un champ de coton bleu. Je l'ai regardé au fond de sa chaise, il avait au doigt un cigare. Il m'a dit, hey man, stay with me. Je lui ai dit, pas trop tard, mais il s'est levé tout doucement. Au fond, il y avait un vieux piano. Il s'est assis tout doucement et ses doigts ont fait une mélodie. C'est pas du jazz, pas de la bossa. C'est un vieux blues noir, je crois. J'ai bien aimé, j'ai bien plané. Et puis doucement, je suis rentré tout seul chez moi, dans l'escalier. Je me suis surpris à fredonner.